Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Incontournable spécialiste de l'art de la préhistoire. On l'a vu sillonner les grottes françaises, Niot, Cosquer et surtout Chauvet, une des plus extraordinaires mais aussi la plus vieille. Il a tenté de comprendre le cadre conceptuel de cet art ancien dont la mémoire nous fait défaut, évoquer une hypothèse qui fit grand bruit, le paléo-chamanisme ou le chamanisme préhistorique. On l'a vu en Afrique du Sud, chez les Touaregs. Aujourd'hui, il nous parlera probablement aussi de l'Inde. Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Ancien conservateur général du patrimoine au ministère de la Culture, vous avez consacré votre carrière, votre vie à la préhistoire, mais surtout à son art pariétal ou rupestre, celui des cavernes. J'ai souvenir d'être venu sur vos terrains, dans la grotte du Placard, mieux, dans le fameux Salon Noir, non pas celui de France Culture, mais celui du site éponyme, le vôtre, Jean-Claude. Oui, un peu. J'ai beaucoup travaillé dans la grotte de Niot et dans l'Ariège. Et le Salon Noir est le lieu où il y a à peu près 95% des peintures, des dessins de Niot. Le terme sanctuaire convient, c'est bien pour ce lieu-là. C'est le sanctuaire des sanctuaires, un espace extrêmement réduit, une sorte de boyau absolument invraisemblable dans lequel on rentre naturellement alors que la grotte est absolument gigantesque. Oui, c'est un fond de galerie. C'est un fond de galerie auquel on accède en montant une espèce de dune de sable glaciaire. Et la galerie se termine là. Et c'est là qu'ils ont accumulé tous ces dessins. Et bien sûr, des bisons, tout. Énormément de bisons. Le bison, c'est l'animal de Niot. Si nous avons bien sûr emprunté le titre de notre émission à ce diverticule de la grotte de Niot, c'est assurément que tous les trésors de la préhistoire y figurent. Quoi qu'il en soit, le Salon Noir est encore visitable par le public, un véritable privilège. Vous ne pensez pas que toutes ces grottes accessibles au tourisme et aux touristes au tourisme seront prochainement fermées, Jean-Claude? Il faut non. En profiter peut-être. Il faut en profiter, certes. Et c'est un privilège, ça c'est sûr. Et c'est également un privilège. Mais je ne souhaite pas qu'elle soit fermée dans la mesure où on prend les précautions nécessaires pour que ces visiteurs ne changent pas fondamentalement le climat et ne les mettent pas en danger. C'est très bien, je pense, que le public ait accès aux chefs-d'œuvre eux-mêmes et pas simplement à des reproductions. Et ils ont le choix, hein, parce qu'en France, on a une quinzaine de grottes ouvertes au public, il y en a à peu près autant en Espagne, donc ça fait une trentaine de grottes authentiques que l'on peut visiter, outre les facsimilés qui existent ou à venir. Par exemple, il est en train dans l'Ardèche de se construire un facsimilé extraordinaire. Oui, mais justement, la grotte Chauvet, personne ne peut la visiter si l'on n'est pas grotte Chauvet, invité. Celle-là, il ne faut, on ne l'ouvrira jamais au public parce qu'il faudrait changer fondamentalement son accès et donc la mettre en péril. La France possède un patrimoine exceptionnel, avec aussi bien sûr l'Espagne. Mais où en est aujourd'hui la recherche sur l'art préhistorique? Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours. Il y a plusieurs équipes. Et moi, je fais partie de celle de la grotte Chauvet. Et chaque année, on a deux campagnes dans l'Ardèche où nous procédons au relevé, aux études de toutes sortes dans ces grottes. Parce que maintenant, les études de grottes ornées sont des études multidisciplinaires. Ça inclut des géologues tout autant que des pariétalistes. Et ça continue dans d'autres grottes. En tout cas, Chauvet est un art très ancien, lié à l'homme moderne. C'est peut-être ça qui est peut-être la chose la plus importante? Oui, il y a plusieurs choses. Chauvet, c'est une grotte absolument majeure pour plusieurs raisons. La première, c'est le nombre des figures représentées. On a à peu près 425 animaux représentés. La seconde, c'est leur qualité esthétique extraordinaire. La troisième, ce sont les techniques qui ont été employées. On a la perspective, on a le détourage, on a l'utilisation de l'estompe pour rendre le modelé des animaux. Et la dernière, et peut-être la plus importante, c'est la date. Puisqu'on a actuellement, pour la grotte aux cheveux, on a 82 dates par la méthode du radiocarbone. C'est la grotte ornée du monde la plus et la mieux datée. Au-delà de 30 000 ans avant notre ère ? Oui. Alors, les dates radiocarbone se situent autour de 31 000, 32 000. Ce qui fait qu'en date calendaire, en vraie date, on est autour de 36 000, 36 500. Et ça en fait une des grottes ornées les plus anciennes qu'on connaisse au monde. Justement, Jean-Claude, on a récemment évoqué un art lié à l'homme de Néandertal. Qu'en pensez-vous ? Encore une sorte d'effet d'annonce ? Oui, moi, ça m'agace un peu, j'avoue. Hein. Que l'homme de Néandertal soit capable d'avoir fait de l'art, pourquoi pas ? Mais attendons d'avoir fait de véritables découvertes et pas simplement faire des annonces qui ne reposent quasiment sur rien. On a eu un exemple dans un article qui a paru dans Science, je crois, il y a 2 ans à peu près, où les collègues, parce qu'ils ont une date de 40 500 pour la grotte du Castillo en Espagne, évoquent l'hypothèse d'un Néandertalien. Depuis que le radiocarbone, et ça fait maintenant nettement plus d'un demi-siècle, depuis que le radiocarbone existe, il y a un proverbe qui est « one date, no date ». Une date, ça ne vaut rien. Pas de date. Une date, pas de date. Il faut que ce soit corroboré. Et là, il y a une date. Et ce n'est même pas une date radiocarbone. C'est une date par uranium-thorium. Or, on sait par des études qui ont été faites ailleurs, par exemple par Hélène Valadas, qui est la grande spécialiste française là-dessus, que les dates par uranium-thorium, très souvent, ont tendance à vieillir outre mesure. Donc, dans ce cas-là, sous-entendre, ils ne disent pas exactement comme ça, mais ils sous-entendent à plusieurs reprises, ça revient 3 fois, je crois, que c'est les Néandertaliens qui auraient pu le faire. Moi, j'avoue que ça me laisse un sentiment de malaise. En tout cas, hormis le relevé des peintures et des gravures, les préhistoriens sont peu enclins à théoriser, du moins en France, mais à proposer des modèles de cet art préhistorique. Il y a bien sûr l'abbé Breuil, André Lauragouran, mais voilà, ça s'arrête un peu là, j'ai l'impression. Oui, c'est-à-dire que Lauragouran a beaucoup marqué son époque, hein, et donc les disciples de Lauragouran ont continué dans la voie qu'il avait tracée. Mais Lauragouran ne proposait pas tellement une méthode interprétative. Il étudiait plutôt la structure, c'est un structuraliste, il étudiait plutôt la structure des cavernes que les concepts qui se trouvaient derrière ces images. Alors, lorsque un de mes collègues, David Lewis Williams, qui est un collègue sud-africain, a commencé à proposer ses hypothèses sur le chamanisme, je m'y suis intéressé et ça m'a paru ce qui expliquait le mieux, le plus et le mieux ce qu'on connaît dans les grottes. Ça n'explique pas tout et ce n'est pas une explication globale et totale, très loin de là, mais on s'approche un peu plus, à mon avis, de la réalité. En tout cas, les chercheurs anglo-saxons proposent, semble-t-il, plus de modèles interprétatifs que les chercheurs français. Ça, c'est tout à fait vrai. Il y a un problème d'école et de réflexion. C'est tout à fait vrai. Il y a, par exemple, quasiment chaque année, un congrès d'archéologie théorique où on réfléchit sur les méthodes, l'interprétation, etc. Bon. Et en France, il n'y a jamais de congrès d'archéologie théorique. On n'est pas tellement porté là-dessus. On a plutôt des façons de procéder pragmatiques. On suit un peu ce qui a déjà été fait. On essaie de l'améliorer plutôt que de le changer. Donc on serait un peu en retard là-dessus ? Non. Avec une approche peut-être plus naturaliste que les autres ? Non, je ne crois pas qu'on soit en retard, mais je crois qu'on est plus prudent d'une certaine façon. En tout cas, vous avez proposé avec Lewis Williams le chamanisme, une hypothèse qui fit beaucoup de bruit dans la profession. Un grand moment dans votre carrière, Jean-Claude ? Oui, de plusieurs façons. C'est-à-dire que je me suis passionné par cette recherche. On a beaucoup travaillé avec Lewis Williams Et on a fait ce livre. Alors là, ce qui m'a stupéfié, ça a été la violence des réactions de certains collègues. Mais ça a été violent, il n'y a pas d'autre. On n'en est pas venu aux mains, tout de même, mais verbalement, presque. Et j'avoue que j'étais un peu surpris, parce que beaucoup de collègues ont été choqués. Ce n'était pas mon cas, parce que Louise Williams, il avait déjà publié depuis longtemps, en anglais. Mais il y a beaucoup, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de mes collègues qui ne lisaient pas tellement la littérature internationale. Et lorsque nous avons proposé ça en français, ça crée un choc dans le milieu. Et il ne publie pas non plus en anglais. Toujours est-il que ce modèle chamanisme était lié à une sorte de modèle ethnographique, c'est bien ça ? Vous êtes parti de l'Afrique du Sud ? Oui, on ne peut pas faire autrement. Le roi Gourin lui-même l'avait dit, qui était ethnologue. Il avait dit le comparatisme ethnologique est très dangereux, mais il est indispensable. On ne peut pas y échapper. Quand vous dites, par exemple, qu'il s'agit d'un burin, bon, pourquoi ? Ben, vous pensez que ça va buriner, que le burin va servir à cela. Vous faites du comparatisme. Vous faites du comparatisme. Il n'y a pas de science préhistorique dans l'abstrait. On est obligé de partir de ce qu'on trouve et de le comparer avec des modèles préexistants. On ne peut pas faire autrement. C'est quoi en fait un chaman ? C'est une sorte d'intercesseur entre les hommes et les esprits ? On pourrait dire oui, ça ? Le chaman est très différent du prêtre. Le prêtre est un intercesseur aussi. Mais le chaman est un intercesseur direct. C'est-à-dire qu'il accueille en lui des esprits, il fait venir des esprits. Il envoie son esprit dans le monde de l'au-delà où il entre en contact direct avec les esprits. Il fait entrer certaines personnes en transe, par exemple, moi je l'ai vu en Sibérie lors de cérémonies de guérison. Et donc il a un rôle qui va très au-delà de celui du prêtre. Et qu'est-ce qui, dans les grottes françaises, pourrait vraiment tendre à prouver ce chamanisme, ce paléo-chamanisme ? Alors là, il faut une vraie conférence. Hein. Prouver, non, on ne prouvera jamais rien. Non. C'est la façon dont les images sont créées. Par exemple, lorsque, comme dans la grotte Chauvet ou ailleurs, ils représentent les animaux comme s'ils sortaient de la paroi, ou qu'ils représentent des animaux qui prennent en compte le relief naturel. C'est-à-dire, il y a une bosse dans la paroi, il y a un bison autour de la bosse. Ce n'est pas pour faire joli. C'est que ces gens-là pensaient très certainement qu'il y avait un bison esprit dans la paroi prêt à en sortir. On le complète, on entre en contact avec lui et on peut en retirer un bénéfice. Il y a aussi ces objets fichés dans la paroi, ça c'est il y a les objets qui jouent le même rôle, c'est-à-dire les objets fichés dans la paroi, c'est un contact qui s'établit avec le monde de l'au-delà. Les grands mythes de l'humanité remonteraient au paléolithique, c'est du moins ce que propose Michael Witzel, professeur de sanskrit à Harvard, au travers d'un grand livre paru à Oxford. Vous avez vu cette annonce ? Je n'ai pas lu le livre, j'ai lu l'article qui a paru dans Le Monde et qui m'a beaucoup intéressé. Et ma foi, qu'il y ait des rapports certains entre l'Europe du paléolithique et les Amériques, c'est très, très vraisemblable. Et sur la durée, la très, très longue durée des mythes, je crois qu'on peut le croire. Parce que nous, on a un exemple flagrant en Europe, non seulement sur la durée des mythes, mais sur la durée des pratiques liées à ces mythes. C'est la grotte du Parpaillot. En Espagne, à côté de Valence, il y a une grotte, la grotte du Parpaillot, où pendant 14 000 ans, et on le sait parce qu'il y a des couches qui sont succédées, les gens ont accompli le même geste. Ils sont allés dans cette grotte pour des cérémonies, et cette grotte, quand on la voit de loin, elle a exactement l'aspect d'un sexe féminin. Ça a dû jouer. Donc ils pénètrent dans les entrailles de la terre, et ils déposent des plaquettes gravées ou peintes. On a trouvé plus de 5000 de ces plaquettes gravées dans des couches superposées qui couvrent 14 000 ans. Donc ça veut dire que pendant 14 000 ans, il y a eu le même type de croyances, les mêmes mythes forcément, hein, même plus encore le même geste. Donc, ça rend cette hypothèse tout ce qu'il y a de plus plausible. Jean-Claude, vous nous proposez aujourd'hui une de vos recherches en Inde, au travers d'un livre, des images pour les dieux. On savait bien qu'il y avait des peintures anciennes, et qu'elles étaient bien sûr présentes en Inde, mais un point c'est tout, on ne sait rien de la préhistoire indienne. Un peu, hein. Mais c'est surtout publié soit en hindi, soit en anglais. Et je savais, en 2004, j'étais allé à un congrès international qui s'était tenu à Agra, dans le nord de l'Inde. Donc j'avais vu des abris ornés, et on a des collègues indiens avec qui on est en contact, et puis on lit les articles. Mais là, j'ai eu l'occasion d'y aller plus longuement, parce que j'étais invité par une collègue indienne, Meenakshi Dubey Pathak, avec laquelle j'ai fait le livre, parce que sans elle, je n'aurais rien pu faire. Parce que c'est elle qui sait où sont les abris et qui m'amène sur place. Et deuxièmement, c'est très important, elle parle la langue. Donc, on a eu des quantités d'informations et d'explications par les gens eux-mêmes. Pour les éditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle Jean-Claude que vous êtes ancien conservateur général du patrimoine au ministère de la Culture, que vous êtes préhistorien, spécialiste de l'art rupestre, l'art des cavernes, et que vous vous intéressez bien sûr désormais à l'art pariétal de l'Inde. Un peu quand on est chercheur sur l'art préhistorique, le monde vous est ouvert. Le centre de l'Inde, le Madhya Pradesh, c'est un milieu naturel encore préservé. C'est aussi un milieu culturel, somme toute, intact. Non, ça dépend, hein, parce qu'en Inde, peu de choses. Si, il y en a. L'Inde est un très, très grand pays, mais comme c'est un pays qui est extrêmement peuplé, les Indiens ont conservé des lieux qui sont grands, parfois comme la moitié d'un département français, qui sont préservés, c'est-à-dire où le public n'a pas accès, où il est interdit de chasser, il est interdit de ramasser quoi que ce soit. Et il y a des tribus qui vivent dans leur village. Quand je dis des tribus, attention, il ne faut pas voir des gens à l'époque du néolithique. Hein. Ils ont des voitures, des motos et la télévision. Mais ils ont gardé beaucoup d'aspects de leur mode de vie ancien. Et surtout, ils sont près d'un art rupestre qui parfois a plusieurs milliers d'années. Et dans certains cas, nous nous en sommes aperçus, parce que ça, ce n'était pas du tout connu à cette région. Dans certains cas, ils ont des cérémonies qui ont lieu dans ces abris ornés de peintures qui peuvent avoir 8-10 000 ans pour les plus anciennes. Alors, comment décrire ces peintures? Elles sont tout d'abord rouges avec de nombreux animaux. Il y a beaucoup de peintures rouges, oui. Il y a également des peintures blanches. Et les humains dominent. Contrairement à l'art pariétal que nous avons ici dans nos grottes en France, ce sont les humains qui dominent. Et il y a également des animaux. Alors les animaux, ce sont les animaux sacrés du panthéon indien, comme toujours, c'est-à-dire les tigres, les paons, ça ce sont les animaux. Mais il y a une plus grande variété que chez nous dans les espèces représentées. Moi, j'ai vu des sortes de hérissons, des porcs-épics qui avaient été dessinés. Il y a évidemment les bisons. Vous savez qu'actuellement, dans certaines jungles indiennes, il y a des bisons sauvages. Je l'ignorais complètement et je l'ai découvert. J'en ai vu, j'en ai même photographié, mais j'étais sur un éléphant parce que ces bisons sont extrêmement dangereux. L'Inde, en tout cas, c'est le domaine du tigre qui vit bien sûr dans les cavernes. Avez-vous vu les peintures de tigres ou tout simplement le tigre ? Non, Dieu merci, j'ai vu que les peintures. Mais ça m'est arrivé de voir des empreintes de tigres. C'est pas moi qui les découvrais, hein. C'était les gardes forestiers qui nous accompagnaient, parce qu'on est toujours accompagnés, on avait des permissions spéciales, et on était toujours accompagnés par un ou deux ou trois gardes forestiers. Et c'est eux qui nous disaient « Ah, vous voyez, et on voyait des empreintes de tigres, c'est impressionnant, hein, de la nuit. » C'était un tigre qui était passé là pendant la nuit. On en a vu dans un abri qu'on allait voir, où il y avait des empreintes de tigres. Et dernièrement, c'est-à-dire au mois de novembre dernier, on était dans un abri où je faisais des quantités de photos qui n'avaient jamais été publiées, un abri inédit, plein de magnifiques peintures préhistoriques. Et je faisais les photos, puis on a entendu des singes qui criaient d'une façon un peu bizarre. J'avoue que personnellement, je n'ai prêté aucune attention, parce que des singes, vous savez, qui crient dans la jungle, c'est souvent le cas. Notre garde forestier est venu nous trouver, dit il faut partir immédiatement, parce que quand les singes crient de cette façon-là, ça veut dire qu'ils ont aperçu un tigre et qu'il y a un tigre qui s'approche. J'avoue que dans ces circonstances, on n'est pas tenté de discuter. En tout cas, c'est les singes qui vous ont jeté des pierres, surtout ? Non, oui, ça arrive, oui, il y a des singes qui... On vous avait mis en garde, d'ailleurs. Oui, parce que les gens vous disent, quand vous allez dans la jungle, vous savez, ils ne vous disent pas « attention aux tigres » ou « attention je sais pas, aux ours » ou aux panthères ». Ils vous mettent en garde contre les singes, parce qu'on peut s'approcher trop près de singes, et les singes, ils peuvent vous griffer, ils peuvent vous mordre et vous communiquer des maladies. Ces peintures sont-elles de véritables scènes, le reflet donc d'histoires, d'événements ? Oui, il y a certainement des histoires derrière, hein, parce qu'on voit beaucoup de scènes, beaucoup plus de scènes représentées que dans l'art des cavernes européens. Et par exemple, il y a des scènes de chasse. On voit des scènes de chasse aux tigres ou à d'autres animaux. On voit également beaucoup de danse, ce qu'on n'a pas, nous, chez nous. Hein. Et la danse joue un rôle très important dans toutes les cérémonies indiennes. Et là, c'est le cas. Alors, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des hommes et des femmes. Et on voit également des copulations, des scènes de copulation, ce qu'on n'a pas dans notre art à nous. Pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Et des scènes de récolte du miel sauvage, ce qu'on n'a jamais, évidemment, chez nous. Mais c'est un art qui est très vivant, puisqu'on représente les gens en action dans des scènes qui parfois impliquent les animaux. Alors pour l'art le plus récent, ce qu'on appelle l'art historique, qui a à peu près entre 2500 ans et quelques centaines d'années, là, ce sont des scènes avec des hommes à cheval. On voit que c'est une époque guerrière très troublée. On a des batailles, des gens qui s'affrontent avec des boucliers, des épées, des lances. Et ça reflète ce qu'on sait de cette histoire mouvementée de l'Inde. C'est un art peut-être un petit peu plus narratif que l'art préhistorique français ? C'est beaucoup plus narratif. En tout cas, a-t-on affaire à un art ancien, à un art paléolithique ? Les chercheurs en débattent, semble-t-il. Oui, on en débat toujours. Paléolithique, moi, je n'ai rien vu qui soit de façon certaine paléolithique. La période la plus ancienne, c'est il attribue d'ailleurs souvent au mésolithique parce qu'il y a un outillage associé qui fait de lamelles. Donc et après 10 000 ans. Oui, et ça aurait 8, 10, 12 000 ans peut-être. Mais je n'ai pas vu quelque chose qui aurait 25, 30 000 ans. Hein. Vous avez découvert 44 sites ornés, dont certains, bien sûr, n'avaient pas été découverts. Ils sont bien sûr au cœur de montagnes. On peut penser que ces montagnes étaient même sacrées. Oui, ça a duré, ça continue. Ces montagnes étaient sacrées et ça continue actuellement, à la fois parce que les gens des tribus vont dans les abris pour leur propre cérémonie, mais aussi parce qu'au sommet de ces montagnes, il y a des sanctuaires hindous, dédiés à Shiva, Ganesha, Lakshmi, etc., et à certaines autres de ces très nombreux dieux indiens. D'ailleurs, y a-t-il un lien entre ces peintures et la principale religion actuelle, donc l'hindouisme ? Il n'y a pas un lien direct, mais dans certains abris ornés, on relève certaines peintures qu'on peut rattacher à des mythes hindous. Lesquels, par exemple ? Par exemple, une femme qui est assise, les jambes écartées, montrant son sexe, qui est la déesse la Jaguri. En archéologie, on ne trouve bien sûr que ce que l'on cherche. Sur les parois de ces cavernes, avez-vous entrevu quelques chamans, Jean-Claude ? Il y a certains personnages qu'on peut interpréter de cette façon, c'est certain, oui. Mais ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que lorsque ma collègue a interrogé les gens des tribus, ces cérémonies qui ont lieu, ce sont des cérémonies chamaniques, avec un chaman qui a un nom spécial, hein, selon les tribus, mais conduit ces cérémonies. Alors, quand elle m'a dit ça, moi j'étais stupéfait. J'ai dit, écoutez, je travaille sur le chamanisme depuis tant d'années, les contraires, les collègues vont croire que je l'invente. Pas du tout, hein, je ne l'ai pas du tout inventé. J'étais le premier surpris, parce que je ne m'en doutais absolument pas. En tout cas, la pensée tribale actuelle permet-elle d'interpréter cet art ? Somme toute d'ailleurs ancien. Oui. Pas de l'interpréter, on ne pourra jamais répéter les histoires extrêmement complexes qu'il a dû y avoir. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas les retrouver parce que c'est toujours très, très compliqué. En revanche, ce sont les cadres interprétatifs que l'on peut retrouver. Et chaque fois qu'on a interrogé les gens sur le pourquoi des cérémonies, le pourquoi des peintures, on a les mêmes types de réponses. Le mot qui revient et qui est traduit en anglais, c'est auspicious. Auspicious, c'est bénéfique. C'est-à-dire que ces peintures, c'est un intermédiaire entre le monde, notre monde à nous, et le monde des dieux ou des esprits. Et c'est fait, c'est pas fait pour faire joli, c'est fait pour obtenir des grâces et obtenir un peu de ce pouvoir surnaturel pour que la fille mariée depuis 3 ans qui n'a pas de gosse tombe enceinte, pour que le père qui est malade guérisse ou que les vaches et connaissent une grande prospérité et fassent beaucoup de lait, beaucoup de veaux. On veut obtenir quelque chose de concret et on le fait à travers la peinture. La peinture est un médium. C'est pourquoi on appelait ce livre « Des images pour les dieux ». Donc ce serait une sorte d'échange entre les dieux et un donateur quelconque. Oui, il y a un échange. Et l'échange marche dans les deux sens. Hein. En Inde, il y a un principe qui est fondamental, c'est le principe du manta. Je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Donc, les dieux, on leur fait des offrandes et en échange, on obtient des bienfaits. Ou alors, on leur promet, on fait une cérémonie et on leur dit, voilà, si par exemple le grand-père guérit de sa maladie, ben, je promets de sacrifier 3 chèvres. Bon, et on le fera. Vous voyez, donc c'est le principe de l'échange. Et l'image qui est sacrée joue un rôle intermédiaire. D'après la population locale, ces peintures sont l'œuvre d'un dieu. Les animaux peints sont donc les gardes de ce dieu, mais recueillent aussi les âmes des morts ? Oui, tout ça, ça dépend des tribus. Hein. Il peut y avoir des croyances très différentes. Parce que pour les âmes des morts, ils ont des tas de cérémonies. En particulier, il y en a une chez les Korku à laquelle on a assisté. C'est dans les 3 mois après la mort d'une personne ou 10 ans, parce qu'il faut rassembler l'argent pour pouvoir payer ces cérémonies qui coûtent très cher. On fabrique une espèce de stèle en bois sculptée où on représente le défunt et les défunts de la maison. Et on va le déposer en grande pompe sous un arbre sacré. On fait des offrandes et quand tout est terminé, l'âme du mort est délivrée et va continuer sa vie dans un autre monde. Ce que vous avez tenté, c'est de comprendre, je dirais, la manière de penser, la manière de croire de ces populations au travers de cet art pariétal. C'est bien ça votre... C'est ce que nous continuons à faire. Oui. Nous essayons de comprendre comment ces gens fonctionnent, comment le rôle que l'art a pour eux, parce que c'est la seule façon d'avoir une petite idée de ce que faisaient les gens au Paléolithique. Et cela va vous informer sur vos populations préhistoriques françaises, en 2 mots ? Oui, ça nous informe. Jean-Claude, merci beaucoup. Je rappelle votre livre « Des images pour des dieux, art rupestre et art tribal » dans le centre de l'Inde, publié aux éditions Errance. Mardi prochain, 15h30, place à Rome et son premier empereur, bien entendu, Auguste. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar. Attachée d'émission, Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.